Deux hommes tout nus, mais pas une femme toute nue à poil Charline, c'est pas d'actualité ce soir. Oh bah comment je suis choquée. Oh là là. D'abord on verra. Ça, ah ouais. Ah bon d'accord, bon, je vous laisse. Pas. Ah ouais. Je vous laisse entre vous hein. Si André Manoukian, il est au taquet. Hein. Au taquet. Et vous chez vous aussi, hein, chers auditeurs, tous à poil. Bah, bien sûr, dans les voitures, au péage. Bien sûr. Allez, c'est à poil l'automobiliste. Ah, ouais. Hein, à poil le fonctionnaire au péage. Enfin non, il est pas fonctionnaire puisque tout est privatisé. Et puis il y en a plus maintenant. Oh là là, on s'égare. Allez, on remet l'église au milieu du village et on prépare l'émission. Salut les amis. Salut Charline. Salut Charline. Bah dites donc, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, ils sont tristes. Bah, encore un échec sentimental. Oh non, c'est politique. Ah bon, politique. On en a assez, ouais. On en peut plus, c'est nerveux. On est trop sensible. Et enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Sarkozy était mis en examen. Bah ouais, quoi, c'est drôle. Bah surtout si t'aimes le comique de répétition. Bah, et Guillaume, toi aussi tu pleures pour Sarko? Non, moi c'est le Front National. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe au FN? Eh ben le siège du parti, il est perquisitionné. Oh là, bah, ajoute à ça le patrimoine des Balkany la semaine dernière. Copé, entendu comme témoin en début de semaine dernière aussi. On sait qu'Usac a été reporté, moi je peux plus. Oui, je comprends. Je me demande s'il vaut pas mieux une bonne dictature. Oui. Ah, non, mais Alex, oui. Tu peux pas dire si. Ça. Enfin, mais non, Guillaume, tu veux pas d'une dictature. Si, une dictature de gauche. Mais ça va pas ou quoi? Si, il y en a qu'un qui palpe et on sait qui c'est. Voilà. Les gars, on est là pour changer le monde. Hein, c'est plus possible. Il y a un monde où Sarkozy a été obligé d'être malhonnête. C'est un monde qui est déjà allé beaucoup trop loin. Bon, on va quand même traiter les sujets ou bien on attend que Pol Pot dirige la France? Si Hollande prend un peu de vitamine. Pourrait faire Paul Pot. Oui, ils ont la même teinture de cheveux. Bon, écoutez, aujourd'hui, on reçoit le comédien Sébastien Thierry. Ah, voilà. Je connais, il a écrit Deux hommes tout nus. Ah, bah voilà, type qui change le monde. Ah, voilà. Pourquoi? Bah, deux hommes tout nus, ça peut rien mettre dans ses poches. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui convoque l'actualité à la brigade du jeu de mots. Et voici les trois informations qui vont finir dans le panier à salade à 18h. Un grand écrivain vient d'être mis en examen. C'est Carla qui le dit. Ce pays est ingrat avec ses grands hommes. Tout ça parce qu'ils visent plus haut le plafond des dépenses de campagne. Qui me rendra mon honneur? Qui me rendra mon honneur? Le remaniement nous offre un bel épisode politique. Le ministre Jean-Michel Baylet a cédé la direction de son journal, La Dépêche du Midi, à son ex-femme. Mais elle est devenue la compagne de Fabius. C'est l'endogamie professionnelle. Alors oui, comme partout, sauf que là c'est en politique et dans la presse. Et voilà comment on voit ses enfants faire carrière dans le milieu. Je l'avais fait élever chez les sœurs, apprendre l'anglais, tout. Résultat, elle finira au tapin. Conséquence de l'état d'urgence, on peut désormais refumer dans l'enceinte du lycée. Les proviseurs préfèrent voir les jeunes dans l'établissement plutôt que dans la rue. Enfin, pas partout dans l'établissement quand même. Il est formellement interdit de fumer dans les toilettes. La fumée vous dérange pas? Va falloir changer vos habitudes, mon petit. Allez, finis en cours, filez. Et je suis accompagnée de celui qui finira bien un jour par fumer le cigare pour accompagner le cognac. Ça finira comme ça, c'est Alex Vizorek. Bonjour Charline Bazounaker. Le cognac, le whisky qui est le cognac des cons, disaient des proches. Voilà, je le cite, c'est fait. Et autour de la table, oui, j'élève le débat tout de suite. Alors présente l'équipe, vous avez entendu rire et parler. Mais à 17h20, hier a commencé la nouvelle star. Il est donc encore plus heureux de venir parler de vraie musique avec nous. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline, vous m'avez manqué. Ah, alors, je vais vous parler d'un musicien français formidable qui s'appelle Mathias Duplessis et qui s'est associé avec trois violons barbares. Ça s'appelle Mathias Duplessis et les trois violons du monde, mais c'est toute une histoire que je vous raconterai tout à l'heure. À 17h30. Lui, il devrait s'inscrire à la nouvelle star du micro. Sauf qu'au moment où le jury va lui dire non, et ben c'est là qu'il va se dire que l'aventure commence vraiment. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi je me suis intéressé à cette grand-mère arrêtée violemment par des flics à Poitiers alors qu'elle manifestait contre l'abattage de certains arbres. Alors pour moi, cette mamie, hein, je vais vous le dire, c'est de la graine de racaille. Alors c'est bien pour ça que je suis une racaille. Oui, une racaille, comme on dit à Poitiers. Et à 17h40, elle se serait plutôt à la recherche d'un nouveau bar. Car oui, la France a un incroyable talent de ce côté-là. Et c'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour. De quoi on parle? D'une BD formidable qui va vous proposer une manière de changer vos vies en mieux ou en pire. Bah, c'est déjà bon. Allez, aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Pompidou. Vous écrivez votre première pièce de théâtre sans ascension. l'ascenseur en 2005, quand Jean-Paul II rend son dernier souffle. Vous recevez le Molière de la pièce comique pour Cochon d'Inde en 2009, alors que c'est l'année du buffle dans le calendrier chinois. Et vous apparaissez nu au Molière devant Fleur Pellerin pour lui adresser un message sur le statut des auteurs de théâtre. Ça se passe en 2015 quand est promulguée la loi sur le renseignement, ce qui fait que vous êtes sans doute fiché à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je m'appelle Sébastien Thierry. Ah oui, c'est bienvenue. Bien. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Sébastien Thierry est avec nous. Alors, vous êtes actuellement en tournée avec une pièce que vous avez écrite qui s'appelle « Deux hommes tout nus ». Mise en scène Ladislas Chola avec François Berléand, Isabelle Gélinas, Marie Parouti et vous-même, Sébastien Thierry. Voilà. Voilà. Il s'agit d'un avocat bien mis sur lui. Ouais, enfin c'est l'histoire de deux hétérosexuels, deux avocats, deux collègues, un qui a 40 ans, l'autre qui a 60 ans. Ils se réveillent nus dans un lit, ils ne comprennent pas pourquoi, ils sont hétéros tous les deux. Quand la femme arrive, ils ne savent pas vraiment comment expliquer la situation, donc ils trouvent des prétextes, ils essaient de sauver son couple et en même temps de comprendre un peu quelle est sa sexualité. Alors, il est pris en flagrant délit donc d'un acte qu'il n'a pas commis. Oui, qui lui est étranger. C'est le postulat de départ, en tout cas, qui lui est étranger. En tout cas, il nous le fait bien croire. Et à force d'essayer de s'en dépêtrer, lui-même doute. Alors, votre univers est beaucoup plus solide de l'absurde que du boulevard, même s'il joue avec les codes du boulevard. Est-ce qu'il y a une frontière entre les deux? Est-ce qu'il y a un moment où on essaye de se dire « je ne vais pas verser dans ce qui est le tout boulevard » ? Non, c'est un peu différent. En fait, quand j'ai mis à écrire des pièces de théâtre, je me suis inspiré de deux formes théâtrales différentes, le théâtre de l'absurde et le théâtre de boulevard, qui sont deux genres de théâtre qui me plaisent. C'est-à-dire qu'on est entre Ionesco et Fedot ? Enfin, disons que oui, les références sont un peu hautes, mais disons que je me suis inspiré de Fedot, bien sûr, et puis aussi de Jean Poiret, et en même temps, je me suis inspiré de Boulevardier, et en même temps aussi de théâtre de l'absurde, oui. Ce qui m'intéresse dans votre façon de travailler, parce que c'est hyper intriguant, nous on écrit des sketchs un peu tous les jours, ils font 1 minute 30, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites. Quand vous démarrez cette pièce-là, est-ce que vous avez l'idée de départ, et puis vous vous dites, on verra bien où ça va m'emmener? Exactement. En fait, je pars d'une situation qui m'inspire, et il y a un moment, souvent je démarre des pièces et au bout d'une demi-heure je sens bien que je suis coincé. Donc vous écrivez une demi-heure de pièce et puis vous vous dites ça n'ira pas plus loin. Exactement. Ben, je me dis pas ça quand je l'écris, mais à un moment je suis un peu bloqué et là à ce moment-là c'est là où je réfléchis, je me dis qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et parce que vous avez pas la fin? Ah jamais, non, quand j'écris une scène, là par exemple le personnage qui se lève tout nu avec un... Oui. Je ne sais pas s'il est homosexuel ou pas, et je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Et quand, je suis bloqué, je fais rentrer un nouveau personnage, ce qui ramène une nouvelle situation. Et donc est-ce qu'à un moment vous marrez vous-même, vous dites putain ça c'est bon. C'est assez prétentieux, mais non, je m'amuse pas moi-même, je crains de pas amuser les gens. Parce que Vizorek, une bonne vanne. Je ris seul dans le bureau, c'est parce que j'ai trouvé vers où ça allait. Ouais. Il a trouvé une bonne vanne. Non, mais il a raison. Si on s'amuse pas soi-même, c'est compliqué d'amuser les autres. De pas connaître la fin, c'est pas courir le risque de la série Lost où le dernier épisode de la dernière saison est arrivé et tout le monde avait envie de tuer tous les scénaristes parce que justement on a compris qu'en fait ils avaient pas de fin. Écoutez, je veux pas me comparer à ces scénaristes qui sont certainement très brillants, mais non, les gens sortent souvent déçus de mes pièces. Parce que la fin ne donne aucune explication. Non. Mais néanmoins, je préfère que les gens s'amusent pendant 1h30 et qu'ils soient déçus 5 minutes plutôt que l'inverse. C'est ce que je dis à toutes. Conseiller de partir avant la fin, peut-être. Ce qui est amusant, c'est que dans votre processus créatif, il y a une forme d'absurde, finalement. C'est-à-dire d'entamer un travail d'écriture. Je mets dans la même situation que le personnage, de ne pas savoir ce qui va se passer. C'est pour ça que d'ailleurs je pense que le public ne sait pas ce qui va se passer, parce que même l'auteur ne le sait pas. Après, il y a des moments où c'est compliqué d'avancer, parce que je suis un peu... Mais est-ce que c'est pour ça que vous avez commencé? Moi, je suis fan du Habit Düsseldorf, que j'avais vu à l'époque. Mais justement, c'était une suite de sketch. Et est-ce que c'est plusieurs fois une demi-heure de pièce, vous avez dit, bon, bah, écoutez, là, autant les mettre ensemble, parce que... Non, en fait, c'est parce que j'avais envie d'avoir du succès, de gagner de l'argent, que j'ai... Tout à fait audible. Non, mais bien sûr. Vous le savez bien, l'absurde, ça dure 3, 4, 5, 10 minutes, puis à un moment, on n'est pas dans quelque chose de rationnel, l'histoire s'arrête. Donc j'ai lu un livre qui parlait du scénario et je me suis dit, je vais avoir des bons acteurs, voir des vedettes et jouer dans les plus grandes salles, il faut que c'est des histoires plus longues. Et donc j'ai travaillé. Et voilà, voilà. Et ça donne deux hommes tout nus de Sébastien Thierry, et avec Sébastien Thierry notamment, avec François Berléand, Isabelle Gélinas, Marie Parouti. Vous serez le 8 mars à Courbevoie. Le 8 mars, vous dites? Exactement. Et le 25 mars à Noisy-le-Grand. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Bess and Billy would take me walking. Out through the backyard we'd go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was. Yes, he was. Dusty Springfield, the son of a preacher man. Et André Manoukian, vous disiez à propos des pièces de Sébastien Thierry qui dit qu'il ne réfléchit pas à la fin. C'est John Huston, le grand cinéaste américain, qui disait la fin détermine le récit. Donc ça veut dire... C'est tout l'inverse de ce qu'il vient de dire. Mais ouais. Oui, mais il remet en question les grandes théories, ouais, Sébastien Thierry, ce que je vous dise, moi. Mais ça France ça va, John Huston. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, ce type? Ça va. Et le bouquin de scénar que vous avez lu, c'est lequel? C'est la, ça s'appelle La Dramaturgie d'Yves Lavandier. Ah, d'accord. C'est un bouquin que je recommande vraiment à tous les gens qui veulent se mettre à écrire. Ça explique vraiment les règles dramaturgiques fondamentales. La fin est un peu nulle du bouquin, par contre. Non, mais le mec, il a écrit le début. Il y a, vous savez, les méthodes, il faut les connaître, mais après, pour enfreindre les règles, il faut les connaître, je crois. Il y avait un film génial qui était sur un scénario qui n'en finissait pas de se développer avec Nicolas Cage, dont, qui s'appelle... Ben, je voilà, me rappelle vous n'avez pas la fin. Voilà. Et John voilà. Huston, mise en avis. C'était bien, c'est John Huston, et là, on sait que... Bon, allez, nous, on a des infos. On a des infos avec un début et une fin, c'est promis. Il y aura la fin des brèves. Allez, je suis sûr que j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Nicolas Sarkozy mis en examen dans l'affaire Big Malion. Oui, là, c'est clairement passe-moi la rhubarbe, je t'envoie le panier à salade. Et un chroniqueur de Canal Plus porte plainte contre Cyril Hanouna. Donc il en reste au moins un qui a vraiment l'esprit canal. Et il y aura des brèves. Bah oui, notre invité aime l'absurde. Et on commence par Nicolas Sarkozy, mis en examen. Et oui, et tout le monde le soutient, oui, à droite. Oui. Alain Juppé a tweeté, je cite, « Je souhaite pour nous tous que Nicolas Sarkozy fasse prévaloir son bon droit amitié dans les moments difficiles. » Voilà, qu'on traduira par Nicolas Sarkozy bien dans les choux, et comme c'est pas spécialement mon ami, je peux dire que ça m'arrange bien. Voilà. Mais, maître oui. Thierry Herzog, ah, oui. L'avocat de Nicolas Sarkozy, a rendu coup pour coup ce matin sur Europe 1 à Juppé. Dois-je vous rappeler quand même qu'être mis en examen n'empêche pas d'être candidat à l'élection présidentielle, car il y a la présomption d'innocence. Mais je vais vous dire une chose plus importante encore, avoir été condamné n'empêche pas d'être candidat à la primaire. Allez, voilà. Donc c'est bon, a priori. Mais ce qui titille à droite en ce moment, c'est cette phrase prononcée dimanche soir par Jean-François Copy. Jamais je n'aurais imaginé d'être candidat si j'étais mis en examen. Ah, Donc certains à droite pensent qu'il avait des infos alors. Des infos de quoi? Que Nicolas Sarkozy allait être mis en examen. Excusez-moi, il fallait pas être Madame Soleil non plus pour miser là-dessus. Moi, je crois que Copé est profondément triste. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, il a aussi tweeté cet après-midi. Oui. Je pense à lui dans ce moment difficile. Je pense qu'il est bien passé pour savoir ce que ça fait. Alors, je vous rappelle que la primaire à droite, c'est dans 9 mois. Donc ça va voler très haut. Ça va voler très haut. Alors, je crois qu'il vaut mieux faire comme Henri Guénaud. C'était ce matin à propos de Sarkozy. J'ai la plus grande confiance dans son honnêteté. Voilà, hein, on prend tous une bonne douche et on passe à la suite. Allez, passons à gauche. Ségolène Royal annonce sa nomination à la présidence de la COP21. Et oui, Fabius ne voulait pas, se disant qu'il n'avait pas ce don d'ubiquité. Ben, Ségolène Royal, elle a sans doute ce don d'ubiquité. International à présent. Japon, une mère a forcé sa fille à avaler 30 poissons rouges parce qu'elle s'en occupait pas bien. Et je peux vous dire que la gamine, ça lui est passé l'envie d'avoir une tortue. Science, avoir un gros cerveau pourrait être un handicap. Et oui, et bien en vrai, ça m'arrangerait. Parce que comme ça, je pourrais me stationner plus facilement dans Paris. Culture, France Gall aurait dit non. Ils étaient encore sur la tortue. C'est normal. Ils ont perdu celle d'après. Ils étaient trop bons sur la tortue. L'auditeur l'a eu, c'est sûr. D'accord. Culture, France Gall aurait dit non à Louane pour la comédie musicale Résiste parce qu'elle l'aurait confondue avec une autre chanteuse. Et voilà, probablement qu'à l'époque, Michel Berger avait dit oui avec une autre chanteuse. Télévision, une plainte déposée par un chroniqueur de Canal Plus contre Cyril Hanouna pour menace de violence physique. Ah, sans doute que l'animateur de D8 lui a proposé de remplir son slip de nouilles en se faisant casser des œufs sur la tête par un éléphant d'Afrique. Non, non, non, c'est sérieux, parce qu'il y aurait vraiment eu du harcèlement et Hanouna pourrait être condamné. Ah bah, s'il est condamné, j'espère que ça sera fait entarter par les frères Bogdanov en se promenant sur de la glace pilée pendant que des confettis de jambon le tombent dessus. Et on termine par de vrai. Oui, vous aimez l'absurde. Direction la Belgique, le 13h d'RTL nous a appris ceci. À propos de paiement de facture, une tuile énorme pour un garagiste d'Arlon en province de Luxembourg. En effectuant un virement bancaire, il s'est trompé de montant et a versé 43 000 euros au lieu des 430 euros dus à son fournisseur. C'est pas de chance. Alors c'était une garagiste et quand le sort s'acharne, le sort s'acharne. Et la malchance de Valérie ne s'arrête pas là. On verse le 12, l'argent arrive sur le compte le 13 et le 14, la société est déclarée en faillite. Donc si ça avait été versé avant l'aveu de faillite, soit 8 jours avant la déclaration de la faillite, il y avait encore des chances de récupérer. Sale coup, en plus une société qui reçoit 43 000 euros de nulle part et qui tombe quand même en faillite. Valérie n'a vraiment pas de bol. Et la dernière brève. Eh oui, Rue Malmaison, 2 points. Un restaurateur interdit l'entrée de son établissement au banquier. Exactement, il a 30 ans et l'entrepreneur qui s'était vu refuser un crédit pour lancer une seconde affaire, eh ben, il a écrit une ardoise à l'entrée. Les chiens sont acceptés, pas les banquiers, sauf ceux qui me prêteraient 70 000 euros. Moi, si je devais interdire l'audition de cette émission à toutes les femmes qui m'ont refusé, on ferait pas une très bonne audience. Les chutes selon Alex Vizorek. Voilà, chute de dernière minute, hein, mais qui est arrivé. Oui, ça y est, j'ai trouvé le film, c'est Adaptation. Le film, c'est Adaptation avec Nicolas Cage. Il faut le voir, c'est un film fabuleux sur l'écriture d'un scénariste par rapport au cinéma. Et tout le long, on voit, il y a des règles, il faut pas de voix off. Et tout le long du film, on s'aperçoit qu'il y a une voix off du début jusqu'à la fin. Il y a une règle sur les 3 actes et tout. Non, mais parce qu'il a intéressant. Expliquez-lui comment écrire des pièces. Bah, ça va lui faire plaisir. Il est venu pour ça. Il est cultivé, mais il est lent. C'est ça. Et comme il croit pas au troisième acte et à la fin, il fait une fin complètement absurde. J'adore cette émission d'André Malécaire. Moi je vais vous laisser, je vais aller pisser. Non, alors, je peux venir avec vous, Charlie. Alors il y a un sujet non, dans cette émission. Mais oui, figurez-vous qu'on a un invité, c'est Sébastien Thierry. Je pensais que c'était Manoukian, mais non. Mais non, mais c'est à cause de lui tout ce bordel, c'est vrai. Il nous a posé un problème avec ses fins. Sébastien Thierry qui est avec nous, vous pouvez voir Deux hommes tout nus bientôt, le 8 mars à Courbevoie et le 25 mars à Noisy-le-Grand. Et avec vous, on va aborder le premier sujet. Et de 2 mises en examen donc pour Nicolas Sarkozy, ça lui fait quand même à peu près 11 affaires au cul, hein, mais il y a un moment on arrête de compter. La présomption d'innocence. Et ouais, il s'en sort encore pas mal. Il s'en sort pas mal. À une autre époque, vous savez, il aurait suffi d'un simple soupçon pour que la sanction soit plus expéditive. Imaginez Nicolas Sarkozy à une époque antérieure. Sur l'ordre de Sa Majesté, notre bien-aimé roi, vous vous retirerez au couvent de San Ignacio. Vous ferez vœu de chasteté et de pauvreté. Ah non, pas de pauvreté. C'est tellement lui, c'était pas tant. C'est la folie des grandeurs. Alors, Nicolas Sarkozy mis en examen pour financement illégal de campagne. Il s'agit de la campagne présidentielle de 2012. Quand vous apprenez cette nouvelle, Sébastien Thierry, l'observateur ou le citoyen que vous êtes, se dit quoi ? Ça va peut-être vous... Moi, je l'aime bien, Sarkozy. C'est le dramaturge qui parle. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est un personnage... C'est parce qu'il n'y a pas de fin. Oui, non, pour le coup, on ne sait pas quand ça va se finir. Non, je ne dis pas que je voterai pour lui, parce que je ne suis pas inconscient, mais j'ai une vraie tendresse pour le personnage. C'est comme ça que vous aimez bien les gens, d'accord. Non, mais puis, je trouve qu'à force de le taper dessus, alors il a bien sûr provoqué tout ça, ça finit par le rendre sympathique, parce que c'est une victime. Alors, tout le monde dit... Il a des tics, il a l'accent pied noir, il a une Rolex, il est mis en examen. À force de se moquer de lui, moi, ça c'est comme une victime, finalement. Puis je trouve moins... Il est agaçant, mais il est moins dégueulasse que Copé, par exemple, je trouve. Mm-hmm. Finalement, il est... Bah, je sais pas, moi, je suis de droite, hein, donc il en faut. Je suis comme Inter, aime beaucoup ça, en général. Moi, je suis comme mon public, si vous voulez. J'écris pour le privé. J'écris pour les bourgeois. Mais quand vous dites que je suis de droite, c'est un non. peu quoi pour vous? En fait, j'ai des idées, pour être honnête avec vous, j'ai des idées de droite, mais j'arrive pas à voter à droite parce que je peux pas voter comme des gens que je maîtrise. Voilà. Donc, je vote pas. Voilà. Vous êtes... Vous êtes zinzin. Vous êtes chabonnet, Sébastien Thierry. On a le droit, je suis un libéral. Vous avez le droit, mais... Mais vous restez combien de temps dans l'urne? Parce que pour se poser toutes ces questions-là. Dans l'isoloir plutôt. Ah oui, monsieur. Excusez-moi, n'est pas content. Je reste bien dans l'urne. Dans l'urne, il va rester longtemps, mais après. Oui. Mais dans l'isoloir, ça doit être terrible pour vous. À regarder ces noms-là, vous dire est-ce que je suis de droite, est-ce que je vote à gauche. Non, mais c'est pas une blague. Hein. Je suis vraiment. Mes parents étaient de droite, je suis vraiment libéral dans ma façon de penser. Et néanmoins, j'ai jamais voté à droite de ma vie parce que je peux pas. Ouais. Je peux pas voter comme les crétins qu'ils ont. Vous votez blanc ou vous vous déplacez pas? Non, je vote pas. Bon, non. Enfin, je sais que ça va bien, mais voilà, c'est comme ça. Mais alors, quand vous militez pour un vrai statut de l'auteur de théâtre... En fait, je défends vraiment mes idées de droite. Mais je comprends très bien qu'on puisse pas se voter pour ça. Mais ça, c'est pas une idée droite de défendre le statut d'auteur de théâtre, de vouloir le protéger, etc. Mais c'est une blague. Si les gens ont pris ça au sérieux, c'était pas du tout. Vous vouliez juste montrer votre tête. Non. Vous êtes le Michael Youn du théâtre. J'ai vu que c'était Vous étiez vraiment nu. Parce qu'à la télé, il y avait un. Non, c'était pas flouté. C'est pas flouté à la télé? Non. Ah, j'ai l'impression que c'était flouté en télé. Non. Bon, mais très bien. Allez voir son. Enfin, je dis ça, je. J'ai l'étardé sur un tiers de dire quelque chose. Il n'y a pas grand chose à flouter en même temps. C'est quand même hallucinant, il ne reconnaît pas un appareil. À quoi? J'étais dans la salle et on m'a dit qu'à la télé on avait flouté parce qu'il y avait une demi-heure de décalage entre. Parce que là on parle plus de ça. Oui, attendez, parce que moi j'ai quand même une dernière question. Donc je comprends que vous le voyez comme un personnage, d'ailleurs nous aussi, effectivement, Nicolas Sarkozy. Mais quand il a autant d'affaires et qu'il passe à chaque fois à travers les mailles du filet, vous ne nourrissez pas un énervement ou un... Parce qu'il contribue à déprécier la politique et on n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Oui, mais je trouve que les gens de droite qui piquent dans la caisse, ça correspond à... À leurs idées, c'est-à-dire de gagner plus, alors que la gauche trouve ça plus dégueulasse. Quoi, c'est cohérent. Je vous aime déjà. Non, mais c'est vrai. C'est la première fois qu'elle dit qu'elle aime un homme de droite. Attention, une sorte de que double comédie. Oui, mais je suis inoffensif, parce que je vote pas. Mais là, je suis amoureux d'une fille qui m'a, comme un con, j'étais un peu bon. Amoureux. Je dis que je voterai à gauche. Ah oui. Et comme j'ai qu'une parole, aux prochaines élections, j'en sais rien, présidentielle. Oh, moi, j'aime la politique avec vous, c'est génial. C'est tu me suces, je vote comme il y a. Vous saviez pas comment c'est 17h30. Je suis jamais c'est l'histoire du film Le Nom des gens, en fait. Il y a quelque chose dans la pièce. Où la fille couche avec le mec pour qu'il finisse par voter à gauche. Vous êtes magique. Sébastien Magic Thierry est avec nous. Formidable. Alors, je rappelle aussi qu'il y a la reprise de votre pièce Momo avec François Berléand aussi, Mireille Robin au Théâtre de Paris. Ce sera à partir du 13 mai. Et je comprends. Tout ce succès, cette abstraction et cet absurde, j'adore. André Manoukian. Je sais pas comment faire la transition, là. Ça va être difficile. Allez, on va se retrouver dans les steppes. Vous aussi, si vous pouvez dire du bien d'un album, c'est déjà arrivé. Ça s'appelle La Nouvelle Star. Excusez-moi, mais moi j'ai joui des oreilles, je ne suis pas fait comme vous. Alors, on va parler des musiciens qui sont par essence des intermittents du spectacle, mais qui sont par essence des nomades. Le musicien se déplace au gré de ses engagements. L'archétype du musicien, c'est donc le gypsy, dont l'étymologie est un contresens intéressant. Gypsy, ça viendrait d'égyptiens. C'est ainsi qu'on qualifiait en Europe du Nord ces musiciens basanés itinérants qui ne venaient pourtant pas d'Égypte, mais plutôt des Indes, vous me suivez ? Mais bon, autrefois, on avait un sens moins aigu de la géopolitique. Moi, petit, quand je jouais aux cow-boys et aux Indiens, bah alors j'aurais dû jouer aux cow-boys et aux chamans, vu que les Indiens d'Amérique n'avaient rien à voir avec l'Inde exotique qui faisait rêver Christophe Colomb, mais beaucoup plus avec les chamans de Sibérie, vous me suivez ? Si le musicien doit avoir une nationalité, c'est celle de nomade, d'apatride au fond, de sans papier, de migrant. Une tribu de migrants intéressants au Moyen-Âge, c'était les Mongols. Leurs troupeaux les poussaient au voyage. On va dire que les invasions, c'est la faute à la transhumance des yaks. Là, vous comprendrez que le cow-boy et le mongol font la même chose, ils gardent leurs troupeaux à cheval. Et c'est là que le mongol est supérieur au cow-boy. C'est que lui n'a pas besoin de se rafraîchir dans un saloon. Le mongol, il arrive à tout faire sur son petit cheval. Il boit, il mange, il fait cuire sa viande, ou plutôt, il l'attendrit sous sa selle, d'où l'expression steak tartare. Ce qui va lui donner une autonomie et un rayon d'action aussi puissant qu'une division de Panzer au temps de la Blitzkrieg. Et c'est de là qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit plutôt, le blitz, l'éclair en allemand. Les tribus mongoles fédérées par Gengis Khan au XIIe siècle vont devenir des guerriers extrêmement mobiles, pratiquant des attaques foudroyantes, des replis tout aussi rapides, échappant ainsi à l'ennemi qu'il tente de réaliser de rassembler ses troupes, voyez son agresseur évanoui dans la pampa, plutôt dans la toundra. Leur cruauté était un moyen de communication très efficace. Nombre de cités se rendaient sans combattre, et leur violence donc évitait la violence. Donald Trump, Gengis Khan, même combat. Leur force, on l'a compris, venait de leurs chevaux. Ces chamans vont donc vénérer l'animal qui est à la fois leur véhicule et une arme de combat redoutable. Ils vont le recycler en instrument de musique. Les crins du cheval vont faire l'archet, les boyaux, les cordes. Son crâne fait caisse de résonance. Quant à leur technique de chant, c'est en imitant les animaux autour d'eux qu'ils vont placer leur voix très bas. Vous avez déjà entendu des voix diphoniques, des Mongols, c'est impressionnant. Leur voix est très grave, il y a des harmonies qui peuvent faire carrément des accords avec leur voix. Ils sont plusieurs aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce chant, il s'étend de la Mongolie jusqu'au Tibet. La fascination est telle que de nombreux musiciens vont étudier ces techniques. Et Mathias Duplessis en fait partie. Ce guitariste français s'oriente rapidement vers les musiques de film. Aujourd'hui, ce qui compte dans une musique de film, c'est la texture sonore plus que la mélodie. La mélodie devient encombrante à partir des années 70. De moins en moins de cinéastes ne la supportent parce qu'une mélodie, c'est un récit en soi. Et un récit qui se superpose au récit, eh ben, ça gêne le récit du film. Les musiciens de film se lancent donc à la recherche de textures inouïes et inuites, des inuites. Mais aussi parce que l'Asie va être le terrain de jeu de beaucoup d'entre eux. Mathias Duplessis va trouver dans la musique mongole une richesse et une nouveauté d'expression plus qu'inspirante. Si bien qu'il va imaginer un trio de violons chinois, indiens et mongols, trois instruments à archet de cultures différentes, et voilà un pont tressé avec du crin de cheval entre le monde occidental et l'extrême-orient, entre l'occident mélodique et les rythmes évoquant le galop, entre le chant mystique diphonique du chaman qui rend grâce et la fougue d'un jeune chef contemporain qui maîtrise l'énergie brute évoquant le galop du cheval qui relie les steppes de Mongolie aux confins de l'Himalaya, en passant par mon occiput, en une conquête pacifique, cette fois, une route de la soie sonore, le rêve musical d'un nouveau monde. Le morceau s'appelle Crazy Horse. Hi-haw ! and the Violins of the World. Yes. Oh, c'est super, André. Ouais, merci chouette, André Manoukian. Je vous en prie. Venez, après demain, on fera un autre voyage. D'accord, avec plaisir. Allez, vous êtes sur France Inter. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, nous avons Juliette Arnaud, André Manoukian. Vous l'avez entendu. Et c'est au tour de Guillaume Meurice qui, lui, il va toujours avec l'idée de la fin quand il va faire ses enquêtes. Face mais c'est déjà. À Sébastien Thierry, qui est notre invité. Je le rappelle. Évidemment. Et moi, je vais vous parler de la police aujourd'hui. Et je voudrais m'excuser. J'ai toujours été très critique vis-à-vis des forces de l'ordre. Non, mais c'est vrai, je me suis toujours dit, tiens, est-ce que c'est une bonne idée d'armer des alcooliques? Eh bien, non, c'est vrai, aujourd'hui, mea culpa. Mea culpa. Oui, c'est sans doute une bonne idée. Donc, coup de chapeau à la police. La police qui a mis la main sur une dangereuse activiste de 72 ans, Katia Lipovoy, une militante ultra-radicale du collectif Sauvons les arbres de Poitiers, plus précisément du quartier de Beaulieu, où elle s'opposait avec ses amis à l'abattage de plusieurs platanes et où elle a heureusement été arrêtée lundi matin par notre belle police dont nous Français sommes si fiers. Ils n'ont pas hésité à monter courageusement à l'assaut de cette violente pacifiste. La vidéo est disponible sur internet. Voici un extrait de la bande son pour vous donner d'ailleurs une petite idée. Voilà, chapeau. Donc la police de Poitiers et sa fameuse technique d'arrestation dite à l'étouffée. Arrestation rapide, hein, pas d'enquête fastidieuse comme dans les experts Miami ou Las Vegas. Non, on est bel et bien dans les experts Poitiers. Bravo les gars. Ils ont mis donc hors d'état de nuire cet extrémiste arboricole. Alors, quand il s'agit d'actes de terrorisme de cette ampleur, les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures et plus. Donc j'ai tenu à m'assurer que cette Katia Lipovoy était bel et bien toujours hors d'état de nuire. J'ai appelé l'hôtel de police de Poitiers. On va pas vous donner ce genre d'informations, monsieur. Ah, pourquoi ? Ça ne vous regarde pas, on n'a pas à vous donner ce genre d'informations. Bah moi, ça me rassurerait qu'elle soit toujours en garde à vue. En quoi ça va vous rassurer ? Bah parce que moi, elle me fait peur. D'accord, bah comme je vous ai dit, j'ai pas d'informations à vous donner concernant cette affaire. Ouais, bah du coup, ça me rassure pas du tout. Voilà, monsieur, au revoir. La police de Poitiers était pressée, a priori. Hein. Sans doute d'autres interpellations en vue. Des terroristes pro-papillons, hein, ou des extrémistes du groupe Vive les Coquelicots. Toujours est-il que je me suis renseigné. Eh bien non, Katia Lipovoy n'est plus en garde à vue. Elle a été relâchée et c'est un véritable scandale. Éric Ciotti a même demandé une deuxième démission de Christiane Taubira. Quant à moi, je l'ai appelée ce matin, cette dangereuse activiste. Alors je vous préviens tout de suite, ses propos peuvent choquer, tant elle tient un discours ultra radical sur la nature en général et sur les arbres en particulier. La verdure, les arbres, c'est extraordinaire, je veux dire, c'est la vie. C'est vraiment, après ça, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de... C'est vraiment extraordinaire. Est-ce que vous n'avez pas été acheté par le lobby des arbres? Non, je ne crois pas. Elle ne croit pas. Elle n'en est donc pas certaine, hein, comme par hasard. Parce que oui, on le sait, les arbres sont très organisés. Ils se réunissent régulièrement en bandes, hein, qu'on appelle des forêts, faisant fi de l'interdiction de rassemblement liée à l'état d'urgence. Ils cachent leurs racines, hein, ils essayent de s'assimiler, mais personne n'est dupe. Dans le passé, c'est à Poitiers que les arabes ont été repoussés. Eh bien aujourd'hui c'est à Poitiers qu'on ne laissera pas les arbres pousser tout court. Bravo Poitiers, terre de résistance face à l'horreur, face au vandalisme de Katia Lipovoy. Ils avaient mis une barrière pour nous séparer du chantier, quoi. Ouais. Et puis moi je suis allée vers ces fiches sous barrière. Et puis, c'est pas, mais finalement, j'ai commencé un petit peu à les secouer. Ah, hein, c'est un acte vraiment... quand même, un acte d'ultra-violence, on peut dire. C'est violent, oui, c'est vrai, parce que vous vous rendez compte, secouer des barrières, mais... Et donc, ah, c'est du matériel public, hein. Ben oui, c'est du matériel public, on est con. Et on se rend tous bien compte de la violence. On retrouve d'ailleurs le point commun de tous les extrémistes, hein, le manque d'empathie. Elle est incapable de se mettre à la place de la barrière, qui n'avait rien demandé, qui jouait simplement son rôle de barrière et qui s'est retrouvée sévèrement molestée. Donc soutenez les barrières, hein, sur les réseaux sociaux, hashtag je suis barrière. Les vaillants policiers de Poitiers ont donc stoppé sans ménagement les agissements de celle qu'il convient désormais d'appeler Mamie Platane. Ils ont courageusement neutralisé, plaqué au sol, et puis... Et puis ils ont voulu, bien sûr, me mettre à plein ventre le visage dans la terre pour me mettre les menottes derrière, parce qu'il fallait que je sois menottée. Vous vous rendez compte, dangereuse comme j'étais, il fallait absolument que je sois menottée. Hein. Bah oui, parce que sinon vous auriez secoué une autre barrière. Et après, c'est l'escalade de la violence. Bah voilà, bah oui, c'est ça. Et oui, évidemment, on connaît la suite. Hein, barrière secouée, déplacée, radicalisation, attentat, suicide en Syrie. Alors, je ne parle pas du pays, bien évidemment, hein, mais de l'endroit où terminent les fameux platanes. Heureusement, la police française veille et la justice française aussi, car Katia Lipovoy est poursuivie. Pourquoi ? Poursuivie pour avoir volontairement commis des violences sur des policiers. Voilà. Ah, d'accord, mais vous êtes une anarchiste alors maintenant. Bah alors là, je me savais pas aussi, mais maintenant, voilà, il a fallu attendre 72 ans pour voir ma personnalité vraie. Et oui, il aura fallu 72 ans à cette Bakounine travestie en mère de nid pour se révéler au grand jour et elle-même. Hein. Mais ne soyez pas dupes, malgré ses 72 ans, elle a parfaitement assimilé les codes de notre époque. La vidéo de son arrestation a déjà été vue 4 millions de fois sur Internet. Réaction de la principale intéressée. D'être vue comme ça, j'en reviens pas. Mais je veux dire, d'un autre côté, ça veut dire quand même que ça a choqué beaucoup de monde. Mais est-ce que vous n'avez pas fait ça uniquement pour faire le buzz ? Oh ben si, j'avais préparé le scénario. C'est bien ce qui me semblait. Du coup, vous allez profiter pour sortir un album de rap ou quelque chose comme ça, j'imagine. Oh oui, sûrement. Eh oui, sûrement bientôt dans les bacs. Mamie Platane nique la police. Cette brave police qui est censée nous protéger en attendant de savoir qui nous protège de la police. Guillaume Meurice, merci. Et merci Mamie Platane. Mais oui, elle a beaucoup d'humour. Ouais, la délinquance en bande organisée des Platanes. C'est un sujet qui n'avait pas encore été traité. C'est fait maintenant. Et maintenant, c'est fait, on peut le dire. On est avec Sébastien Thierry sur France Inter. Vous pouvez le voir dans toute la France, dans Deux Hommes Tout Nus. Et bientôt à Courbevoie, le 8 mars, journée de la femme. Allez-y pour Deux Hommes Tout Nus. Et le 25 mars à Noisy-le-Grand. Et on va aborder avec vous le deuxième sujet, Sébastien Thierry. La Dépêche du Midi. C'est le seul journal qui avait fait l'éloge du remaniement. Oui, puisque le patron du journal est l'un des nouveaux ministres. J'étais à Toulouse, moi, pendant... Berléand, qui aime bien le rugby, ça va acheter les journaux, et acheter la Dépêche, et il trouvait ça grotesque que ce soit le seul journal en France. Vous allez nous en parler, justement. Donc, Jean-Michel Baylette, patron de la Dépêche du Midi et ministre à l'aménagement du territoire... Est-ce qu'on dit Baylette pas... Oui, dans le sud. J'ai toujours dit Baylette. Pas acceptable. Jean-Michel Baylette. Voilà, je vois. Baylette, bon, comme vous voulez. Ce n'est pas acceptable. Donc, pour le remplacer, il a cédé le poste à son ex-femme. Sauf que maintenant, c'est la compagne de Laurent Fabius. Qui, heureusement, a quitté le gouvernement. Le remaniement fait donc le bonheur des familles. Sauf que c'est souvent les mêmes familles. Donc, écoutez ce qu'en pense madame ex-Baylette. Tu te souviens de mon cousin Hubert ? Non. Mais si, le fils de tante Marthe, le Saint-Cyrien. Celui qui était pilote de rallye ? Je ne l'ai pas connu. Évidemment, il a disparu juste avant notre mariage à Bornéo pendant la traite gauloise. Eh bien, je crois qu'il est vivant. Quoi ? Complètement dingue. Il y a toutes les chances pour que ce grand costaud que j'ai envoyé à l'hosto soit cousin Hubert. Il a hyper changé, mais il est revenu. Tu pensais que c'était ta clochard tout à l'heure ? J'y pense, mais je trouve qu'il a un air de famille, ce type. Il a le grand teint sensuel, le front large de tous les hommes de la famille. Non, mais c'est du délire. Regarde, c'est dans le livre des Montmirail. Alors, voilà le premier comte, Godefroy de Hardy. Il a quand même le même nez, le même front, non ? Mais là, tu me montres une gravure d'il y a 900 ans. Faut parler pas avec ton cousin Hubert. Je l'appelais au château, on voit cousin Hubert en Saint-Cyrien à 19 ans sur le dernier tableau de famille pour lequel on a tous posé quand j'étais petite fille. Évidemment, les visiteurs. Alors, Sébastien Thierry, là, c'est vrai qu'on est dans un pays où la sphère médiatique et politique a quelques accointances. Et là, on a un ministre qui était patron de la Dépêche du Midi. Ouais. Il cède à son ex-femme. Il y a aussi son fils dedans, je vous rassure. Et puis là, on s'aperçoit que finalement, c'est la compagne de Laurent Fabius. Donc, on est dans une forme d'endogamie comme ça. Quand vous étiez à Toulouse, justement, François Berléand, dans L'autre homme tout nu. Oui, ça faisait rire, mais c'est exfoulé, c'est une affaire familiale, finalement, ce journal. Ouais. Ça me paraît pas illogique de confier ses affaires quand il va y revenir un jour à des gens de sa famille. Son fils y travaille. Oui, mais alors le problème, c'est qu'il est ministre. Et vous avez vu les conséquences sur la une du journal. Oui, non, bon, écoutez... pas de mauvais esprit. Elle est très mauvais esprit. C'est son côté libéral, là. C'est une affaire qui lui appartient. Mais la politique, ça lui appartient pas, en revanche. Ben non, mais il peut être homme politique et après confier. Moi, si un jour je commets cette erreur de vivre avec une actrice, peut-être que je confierais des rôles dans mes pièces, c'est normal. C'était sa femme, il la connaît, la confiance en elle... Enfin, il y a un moment donné, quand même, un journal, c'est censé informer de l'action publique. Donc, c'est-à-dire que... Vous êtes très bête. Je fais beaucoup d'efforts pour ça. Je suis même payé pour ça. Si vous êtes vraiment libéral, le fait que le journal soit un produit, que tout le monde sache qu'il lui appartient, et que donc le journal ne dit plus la vérité, vu qu'il est le propriétaire, ça devient un mauvais produit. Elle dit une vérité de gauche, comme ils sont aussi de mauvaise foi que le Figaro. Et donc, les gens pourraient ne plus acheter ce journal pour ça, et que donc, ça ne serait plus... Enfin, le capitalisme ferait ça. Journal indépendant, aujourd'hui... Des journaux indépendants. Il en existe, le Canard Enchaîné est indépendant, il n'y a même pas de pub dedans. Oui, voilà, vous avez raison. Voilà. Mais après, voilà, la plupart des journaux appartiennent à des groupes ou à des gens, je ne sais pas. Est-ce que le service public, mon pauvre ami? Et dans votre métier, c'est pour ça qu'il faut comme pas je peux pas faire le métier d'idée, je viens à France Inter. L'endogamie professionnelle, c'est partout, hein. Voilà, donc il y en a énormément dans le pouvoir, évidemment. Parfois, ça peut poser des questions quand même, parce que quand, par exemple, Monsieur Valo est le secrétaire général adjoint de l'Élysée et il est marié avec la ministre de l'Éducation, quand on tranche une question à l'Élysée, mais les hommes politiques qui couchent entre eux, donc c'est normal qu'ils soient à peu près dans les mêmes les acteurs. Il y a plein de couples d'acteurs mariés. J'allais vous en parler. Voilà, l'endogamie professionnelle. Est-ce que ça aide quand même? Il y a que ça, des médecins qui sont mariés avec un autre médecin qui partagent un cabinet. Enfin, ça me paraît dans tous les milieux. Sauf que là, il y a des histoires de cooptation. Comment? Les médecins vont vous soigner pareil. Ouais, on va choisir votre femme plutôt que quelqu'un d'autre. Oui, non, mais là, c'est pas un journal, c'est pas une affaire privée, c'est une affaire publique. Donc forcément, moi, ça me choque plus, effectivement, quand on donne des postes comme ça, ministériels. Mm-hmm. Voilà, évidemment. Par exemple, Julie Gayet qui conseille Madame Azoulay. Oui, mais encore une fois. C'est pas forcément parce que c'est sa copine, c'est parce que. Elle la connaît, donc elle pense sincèrement qu'elle ferait l'affaire. Après, peut-être que, je ne sais pas, moi je ne connais pas ces gens, je n'ai pas beaucoup d'avis. D'accord. Moi, c'est peut-être la prochaine devant laquelle vous mettrez à poil, puisqu'elle est la nouvelle ministre. Ouais, ça ne leur porte pas bonheur. Sébastien Thierry est avec nous, c'est un régal, on va vous garder jusqu'à demain, je le sens. Juliette Arnaud. Oui. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Joker, qui est écrite par Benjamin Adam. Aux éditions La Pastèque. Alors, comme c'est de la radio, bon, je vous décris à peu près l'objet. C'est une BD d'un dessinateur à la fois jeune et aguerri, Benjamin Adam, ça je l'ai déjà dit. C'est une BD d'une grande régularité. Il y a pratiquement à chaque fois 9 cases par planche, avec un esprit qui, en gros, balance entre candeur enfantine et malice féroce. Il était une fois 3 cousins, 2 frères qui ont épousé 2 sœurs et qui ont des métiers pas super passionnants chez Batimax, un grand groupe de construction. Et leur cousin, Hawk, qui lui est l'héritier de Batimax et qui mène une vie d'oisif et de célibataire dans un château. Tous les dimanches, après une partie de pêche rituelle sur le lac du château de Hawk, se joue une partie tout aussi rituelle de 8 américains, une forme du poker, avec une règle particulière en sus. Si Hawk chope la carte du joker, c'est-à-dire la carte la plus forte, celle qui peut remplacer n'importe quelle autre, Hawk, l'héritier célibataire, échange pour une semaine sa vie contre celle d'un de ses cousins. Mmh. Il remplace sa vie, somme toute. Donc il vit chez le cousin laborieux et marié et père de famille. Il travaille certes, mais il s'amuse et il gâte ses neveux, tandis que le cousin, lui, vit une vie de rêve au château. Est-ce que ça ressemble pas à la meilleure idée du monde, ce petit échange de vie? Parce que changer de vie, complètement, c'est fatigant et c'est pas toujours possible. Hein. On n'a pas tous la chance d'être Batman, d'avoir ainsi 2 vies à disposition. Bruce Wayne en costume 3 pièces et vie d'homme d'affaires surchiante le jour. Et Batman en cape et masque et Batmobile surcool la nuit. Ainsi, Jérôme Cahuzac, il a essayé de faire chirurgien esthétique qui vous transforme les poils du cul en cheveux. Et ministre du budget, et il a raté. On peut même parler de foirage magistral, voire de démonstration de foirage. Mais échanger, hein, juste échanger, se reposer de sa propre vie, de ses choix, un temps seulement par la grâce d'une carte joker. Fermez les yeux, imaginez, avec qui voudriez-vous échanger? Non Alex, gardez-le pour vous, on n'est pas obligé de tout partager non plus. Là où cette charmante petite affaire familiale se complique un chouï, c'est qu'un jour, les deux frères pigent que Hawk triche pour avoir la carte joker le plus souvent possible. Et pourquoi est-ce qu'il triche, Hawk? Parce que ses neveux et nièces, c'est surtout ses enfants à lui. Et les deux femmes de ses cousins, c'est ses maîtresses. La mère se mit à rire et lui dit « T'en fais pas, ton père n'est pas ton père et ton père ne le sait pas. Wow, » Du coup, les deux cousins, quand ils découvrent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils le tuent, le cousin, hein. Et là, on glisse gentiment de la jolie fable familiale située dans une province française imaginaire, le Haut-Mouronnais, au polar, qui devient de plus en plus sombre, parce que lorsque les deux femmes sœurs, elles comprennent que leurs deux maris ont buté par jalousie leur cousin, eh ben, elles butent les deux cousins, mari, cocu et assassin. Du coup, les deux femmes avec leurs 15 enfants, oui, elles en ont 15, c'est ridicule, pour se retrouver à fuir éperdument jusqu'à Rotterdam pour essayer d'échapper à la prison. Et fuir avec 15 mômes, j'aime autant vous dire que c'est compliqué. Imaginez, Chapi-Chapeau, le baron mexicain du trafic de drogue, flanqué d'une troupe de bébés, et ben à mon humble avis, il va pas beaucoup plus loin que les toilettes miteuses du premier motel de Veracruz. Bref, si vous voulez savoir si ces deux femmes échapperont à la justice, et surtout ce qu'il adviendra des mouflets et des mouflettes, et du chance de la famille de manière plus générale, Joker, édition Pastèque, Benjamin Adam. Merci Juliette Arnaud, et comment est le dessin? Il vous a plu ? Il est super régulier. Je vous dis, c'est à la fois enfantin, et puis tout à coup, il y a un truc assez trash qui arrive, mais comme le dessin est très très joli, et ben, on ne le voit pas venir, alors ça nous fait sursauter. Mmh. Il y a une fin, il y a une fin à cette histoire ? Oui, il y a une fin, à la différence des pièces de Sébastien Thierry. Il est tombé dans la facilité. Je ne sais pas pourquoi, on ne se connaît pas tous les deux, et vous me regardez à chaque fois. Je vous agace. C'est pas passé. Ça veut dire que c'est un vrai débat. Moi, je vous aime bien. Un grand talent, une belle chemise. Vous aimez bien Sarkozy aussi, vous aimez bien Riley. Je vais vous rassurer, Sébastien Thierry, c'est un débat récurrent quand on prépare cette émission et quand on fait des sketchs. Quand Alex Vizorek écrit quelque chose, il y a toujours Guillaume Meurice pour dire et où est la chute. C'est vrai, d'accord. On est content de vous rencontrer. Je vous comprends. Allez, on aborde le troisième sujet avec vous. Pour éviter les attroupements d'élèves sur le trottoir, des lycées les autorisent à nouveau à fumer à l'intérieur de l'établissement. C'est une conséquence inattendue de l'état d'urgence qui vient d'être reprolongé, bien sûr. Eh bien, voilà, donc les élèves à l'abri des terroristes, ils ne sont pas à l'abri du tabac. Pourtant, il existe un truc pour dégoûter les jeunes de fumer. Si, si, je vous explique. C'est un petit peu comme les vendeuses de pralines. Au début, on leur permet de manger autant de pralines qu'elles veulent. Alors après, elles sont malades et elles ne peuvent plus voir une praline en peinture. Ben voilà, c'est l'idée. C'est l'idée, hein. Super idée. Super idée. Le dernier rire est celui de Juliette Arnaud. Sinon, il y a Michel Larocque et Laurence Bibot. C'est Ma vie en rose d'Alain Berliner. Voilà, donc là, on est en train de choisir entre mettre les élèves à l'abri des terroristes ou les mettre à l'abri du tabac, finalement. Est-ce qu'il faut choisir ? Alors, vous qui adorez l'absurde, l'absurde se niche aussi dans le réel, par exemple, ici. Oui, bien sûr, la vie est souvent plus absurde que les pièces de théâtre. Mais bon, c'est l'homme de droite qui parle, allez voir. Allez-y. C'est invraisemblable que les proviseurs fassent le choix. On ne devrait pas les laisser sortir, parce que c'est dangereux, évidemment. Bah, je sais pas, c'est, on est en plan de vie pirate, on ne devrait pas les interdire de fumer dans l'école. Point, ils ne fument pas. Ah, ça, c'est pas très libéral, ça. Ils ont 15 ans. Mais vous on est libéral à 18 ans. Et là, d'ailleurs, vous êtes d'accord avec Michel Delaunay, eh ben voilà. Ex-ministre et député PS, qui dit, c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France, si un élève n'est pas en mesure de s'arrêter de fumer pendant plusieurs heures, il doit être dirigé sans attendre vers la médecine scolaire. Non, je dis pas d'envoyer un médecin, je dis, il doit y avoir une autorité quand même oui. à l'école. Bah, si un élève n'arrive pas à se passer de fumer pendant trois heures... Il n'y arrive pas. Oui. Il y arrive. Mais vous savez très bien que c'est pas un problème qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas. C'est qu'il a pas, il a envie de fumer. Bah oui, bah il a envie. C'est comme dans un avion, il a envie, il fume pas. Bah il est à l'école, je sais pas. Vous êtes fumeur, Sébastien Thierry ? Ouais, j'ai appris à fumer à l'école, comme tous les. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous ? Bah forcément, des garçons ou des filles qui avaient l'air plus dans le coup que moi. Parce que vous les voyez dans la cour de récré ? Oui, ou sur le trottoir, peu importe. Mais je trouve ça logique qu'on fume pas à l'école et que si c'est un danger de sortir sur le trottoir, et ben on sort pas et puis ils fument pas et puis. C'est pas qui fait la loi, enfin, hein, Manoukian. Mais oui. c'est pas Manoukian. Vous avez fumé, vous, déjà ? Moi, j'ai fumé, ouais. Moi, je fumais des gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux. Là, les beaux jours. Ah. Il y a une époque, au service militaire, on donnait des clopes aux soldats, enfin, aux... Dans le pactage, il y avait des gauloises, justement. Non, mais en même temps, soyez raisonnables, on envoie les gens se faire tuer. C'est pas très grave. Le qui meurt avant. Ah, oui, qui meurt avant. Bah, qu'ils aient qui meurt pour pas qu'on les tue. Oui, qu'ils aient un peu de plaisir. Alors, Sébastien Thierry, notamment, vous êtes un auteur de talent, vous êtes aussi un comédien de talent. Alors, et donc, vous allez accepter un sketch. À la fin de chaque émission, on propose à l'invité un sketch qu'il n'a pas préparé. Alors, évidemment, pour vous, c'est très difficile parce qu'on vous admire. Vous en jugerez. Je suis rassuré que si, même s'il n'y a pas de femme, on ne voudrait pas. Avec Julien Demarche, mon co-auteur, on s'est dit il faudrait un peu d'absurde, mais quand même, Charline a dit il faudrait un peu d'actualité. Donc c'est Nicolas Sarkozy à un interrogatoire. Et puis après, il se passe plein de choses différentes. Bonjour Monsieur Sarkozy. Bonjour Monsieur le juge. Vous savez pourquoi vous êtes là ? Non, pas vraiment. Vous lisez la presse ? J'ai des amis qui l'écrivent. Y a des gros soupçons sur vous. Mais je soupçonne personne. Oui, il manquerait plus que ça. Quelqu'un vous a dénoncé ? Alors là, je soupçonne des gens. Ah, vous voyez, ça vient. Apparemment, vous seriez... Coupable ? Non, de gauche. Oh non, ça c'est salaud, ça c'est impossible. Vous niez ? Oui, je nie, bah, bien sûr que je nie. Le nini, voilà, c'est très de droite. Vous tentez de brouiller les pistes. Je sais pas, vous avez des pièces à conviction ? Et vous, vous avez des convictions ? À l'emporte-pièce. Pièce à conviction, 2 points, la France pour la vie. Oui, c'est mon livre. Vous l'avez écrit ? Vous l'avez aimé ? Vous êtes écrivain ? Ma femme le dit. Votre femme le chuchote. Ne me traitez pas de chuchote. Ouais, donc vous êtes de gauche, donc. les chuchotes sont de gauche. Non, les écrivains sont de gauche. Vous savez, je m'attendais à d'autres proches, moins violents. C'est ma collègue qui fait l'affaire Bettencourt. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour, madame le juge. Vous savez pourquoi vous êtes là ? Non, pas du tout. Bien, vous êtes apparemment de gauche. Encore, écoutez, ouais. C'est pas possible, vous avez deux neurones. Est-ce que vous me prêtez deux neurones pour être bolchevique ? Non, mais avez-vous reçu de l'argent illégalement pour votre campagne ? Jamais, j'aurais refusé. Ah, vous refusez l'argent ? Et il écrit des livres. Ouais. Non ? Donc vous êtes de gauche. Oh, c'est l'acharnement. Ouais. Non, on va pas demander l'avis d'un collègue. On va pas y passer 35 heures non plus. Non, il veut faire moins de 35 heures. Il est de gauche. Est de gauche. Monsieur Bismuth ? Oui, monsieur, vous êtes ? Paul Bismuth. Non, bah non, c'est moi. Ah non, c'est moi. Je suis de droite, donc je ne suis plus vous. Mais si vous n'êtes plus moi, qui suis-je ? Vous savez pourquoi vous êtes là ? Bah, demandez-leur. Ah bah, y a plein de gens à droite qui l'ont balancé. Hein, c'est... Oh, il m'énerve, c'est con. Ah bah, vous détestez la droite. Et il écrit des livres. Bah, il n'aime pas l'argent. Mm-hmm. Bon, je suis de gauche, c'est ça ? Ah, il avoue. Bon, très bien, voilà, j'avoue. Voilà, ça, c'est de gauche. Chute chorale pour éviter la chute. Oui, c'est un truc que je donne aux jeunes auteurs. Mais oui, c'est vrai, il y avait une fin. Pour une fois que je joue un bon texte, ça me fait plaisir. Oh, vous êtes fait, Sébastien Thierry, alors ce qui est formidable, c'est que vous y allez, vous exprimez vos opinions, etc. C'est pas facile parfois pour les comédiens ou les auteurs, parce qu'on sait, on a vraiment pu débattre avec vous, vous exprimez vraiment ce que vous pensez. C'est ce qu'il y a plus simple. Oui, c'est vrai, voilà. Mais je vous assure que c'est pas évident. Parce que parfois on a des gens de gauche, parfois des gens de droite qui font semblant d'être de gauche, ouais. Mais alors quelqu'un de gauche qui pense être de droite, on n'avait jamais eu. Non, mais c'est stupide de penser que la moitié de la population a tort. Enfin, je veux dire, je pense que la vérité. Enfin, l'ayatollah, la vérité, elle se trouve un peu à droite, un peu à gauche, un peu partout. Enfin, ouais. Mais donc, vous n'avez pas de la moindre appréhension d'exprimer vos opinions, etc., parce que vous êtes acteur ou comédien et qu'il non, faut... Non, quand on est sympathique et ouvert, personne ne vous reproche de penser ce que vous pensez. En même temps, il écrit ses textes, donc il est peinard. C'est vrai, on vous le confirme. Des textes vraiment brillants, on vous conseille Deux hommes tout nus, mise en scène de Ladislas Chola, avec François Berléand, Isabelle Gélinas, Marie Parouti et Sébastien Thierry. Ils seront le 8 mars à Courbevoie, le 25 mars à Noisy-le-Grand. Une pièce qui a été diffusée sur France 2 avec moult succès. 3,7 millions de téléspectateurs, donc la télévision rebooste même les pièces et les prolonge. Et puis on pourra revoir à partir du 13 mai Momo avec François Berléand et Muriel Robin au Théâtre de Paris. Toujours un texte de Sébastien Thierry. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On va laisser le mot de la fin à Nicolas Sarkozy. Qui me rendra mon honneur ? Qui me rendra mon honneur ?